You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, et 106.7 FM, St. Paul, Radio Sans Frontières. Le programme que vous entendez, Bonjour Minnesota. Tonight we have two special guests with us. We have Patrick Atanalian from Sanctuary Restaurant. He's a Marseillais from Marseille and French chef as well, Christophe Bélanger, who will be with us just after a little bit of music from Jacques Helion. I would like to play a little music from this Armenian native who was so great and popular after the war, and his chanson Fleur de Paris was played before and at the end of radio broadcasts in memory of last week's show when we had Jim Carroll, the recent recipient of the Legion d'Honneur. So you can listen to that archive on Bonjour Minnesota at KFAI.org. And just after this, a couple of songs, we'll be talking to some chefs about Christmas food and music. Here we go. De la musique. L'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur l'a conservé dans son tiroir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris. Car c'est la fleur du retour des bonjours, des bonjours. Pendant quatre ans dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge. Avec l'espoir, elle a fleuri. C'est une fleur de Paris. C'est une fleur de chez nous. Elle a fleuri de partout. Car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant quatre ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Le blanc rouge avec l'espoir, elle a fleuri, c'est une fleur de Paris. Et le bois de Vincennes, les petites boutiques des quais de la Seine. D'autres plus sérieux disent sans hésiter, c'est la petite roquette ou bien c'est la santé. C'est les grands boulevards, il y a l'opéra, mais ne les croyez pas. La tour Eiffel, la baisse à poil qui monte. Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, y a pas de Paris sans tour Eiffel. On la débine, on la charrie, pourtant partout ce n'est qu'un cri. Paris ne serait pas Paris sans elle. Paris, mais c'est la tour Eiffel. Il faut dire que beaucoup de Parisiens ne connaissent la tour que par leur petit cousin. Ou alors par le vieil oncle à héritage, qui est monté à pied jusqu'au troisième étage. Ah, ah, dit-il, c'est beau, c'est merveilleux, madame. Quand on est là-haut, on peut voir tout Paname. Et le Parisien se dit, tiens, tiens, tiens, j'irai la voir demain. Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, y a pas de Paris sans tour Eiffel. Moi je suis jamais monté là-dedans, mais j'en suis fier comme Artaban. Paris ne serait pas Paris sans elle. Paris, mais c'est la tour Eiffel. Un jour, une jeune et belle américaine, elle voulut voir Paris et les bords de la Seine. Elle visita les monuments, les musées, les grands magasins, les rues et les cafés. Mais voilà qu'un soir, elle rencontra Leroux. Et maintenant, quand on lui demanda son tour, quel est votre avis sur Paris, franchement, elle dit en rougissant. Paris, mais c'est la tour Eiffel, avec sa voix. Le tour de Pierre, le tour de Nel, le tour de Londres sont bien moins belles. On est toujours sûr avec elle de monter jusqu'au septième ciel. Paris ne serait pas Paris sans elle. Avec sa voix qui monte au ciel, Paris est celle. Messieurs, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Bonsoir, nos auditeurs, nos chers auditeurs. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Et bonsoir, Christophe. Bonsoir. Vous êtes... merci d'être venu à KFAI Radio. De rien. Patrick... yes. Could yes. you tell yes. me a little bit about where you are from in France? I'm from Marseille, south of France. Yeah. And where are you a chef? Sanctuary Restaurant in Washington Avenue, 903 North Washington Avenue. Okay. Yes. And where did you start your cooking career? Whoa, what brought you to way back home in Marseille. I started. And then... What year was it? Oh, yeah. Come a little closer to the mic. So many years ago. Okay, Patrick et Christophe. Christophe, vous êtes d'où en France? Where are you from in France? Je viens de petite ville qui s'appelle Livarot, comme le fromage, qui se trouve dans le Calvados, en Normandie. So in Normandy, in a town called Livarot, ouais. Like the cheese. Comme le fromage qui est assez... Qui pue. Qui pue. Mais oui. Mais qui est très célèbre en France. Et mm-hmm. puis, moi, je suis là depuis 1995. Since 1995. Voilà. Et j'ai fait un... Ça fait depuis 1988 que je cuisine. Que je fais des bons petits plats. Excuse-moi. Hein. And you are a chef where? Je travaille au Saint-Paul College Club, à Saint-Paul, sur Summit Avenue. 990 et à côté, juste à côté de la maison du gouverneur. Is that a restaurant? Is next to the governor's mansion? So. Non, c'est une, c'est un manoir privé où on fait des beaucoup de réceptions de mariage, ainsi que d'autres choses. Très bien, merci. All right, so we have a couple of announcements right now, so we'll go ahead and listen to those, and we'll get back to our interview afterwards. Thank you. KFAI is supported by the internet professionals of IP House. IP House is a Minnesota-based provider delivering internet hosting to the world, one website at a time. Answers to your internet problems from the friendly geeks at IP House. More info online at iphouse.com. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. AMPERS.org has hundreds of music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. All right. Bonsoir, tout le monde. Welcome, everybody. We have Patrick Atenalian and Christophe Bélanger, two chefs here in the Twin Cities, here with us. Could you guys tell me how the two of you met? I know that you worked together at one time. Oh, you really want to know? Ouch. 1998. Yep, the day the France won the World Cup of Soccer. Allez les Bleus. It happened to be Bastille Day. Yeah. Oh, yeah. I didn't know that. I thought you had met before. Well, we had met a couple of times, but we didn't talk much. No, we didn't like each other. I didn't like him. I was better than him. Because he's from Marseille and I'm from Normandy. Yes. But then when we won, we still don't like each other. That one day reunited France, though. Yes. Everybody. Yeah. It didn't matter from what. That was great. Yes. And so I wanted to ask you guys, both of you, about Christmas traditions or good recipes that make you think of home. So Patrick has some recipe that he'd like to share with us that we'll be posting on these recipes on our Facebook page. And what was the one that you wanted to discuss or tell us about? Ah, the gambas flambé. That's very special. That's what we do. What are the principal ingredients in that? You have gambas, big shrimp, garlic, pastis, tomato, butter, basil. Good. Everything. And is this something you'd have at Christmas time or just in general in Marseille? It's usually Christmas time because we usually don't eat meat during Christmas Eve or Christmas. We eat foie gras, that's for sure. But it's more like, smoked salmon and oyster and, shrimp. All the nice fatty food. Yeah. Yeah. Let's play a little music that makes us think of Marseille. Sure. Could you tell us about this group, Massilia Sound System? Oh, Massilia Sound System. Yes, it's from Marseille. They kind of play reggae music from Marseille. They're a very fun group. And they're well known all over the south of France. And they are, they usually have wonderful shows. And they always have, pastis. They serve pastis at every, body that's in the audience, and everybody get drunk and everybody play. I mean, it's crazy. They're nuts. So how is pastis served? I know a lot of people serve it the wrong way here in the Twin Cities. Oh, what's here the it's correct terrible. Way that should be serving a pastis if you were in the south of France? Well, first you got to pour the alcohol, and then you put the ice, and then you pour the water. Okay. Yeah, a lot of people just pour the alcohol. They usually pour the water for you here, and they usually make it too weak. Yeah. So if I have one, I'd always ask for the water on the side, so I can make my own mix. All right. That's one thing we say in Marseille. Don't put the ice first, put the alcohol, and then the ice. Tradition. All right, so let's listen to Massilia Sound System with Au Marché du Soleil. Thank you. Il y a de l'or en barre, du bronze et de l'argent, l'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. On y va promener sous la vieille sono. Elle joue parfois Bob Marley, il fait toujours beau. Tu verrais la joncaille, les perles et les diamants, des sourires en pagaille, un peu tous les accents. Ça sent le poulet frit sous la vieille sono. Elle joue parfois du shabby, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil, près de la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter. Viens avec moi au marché du soleil, on y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir. Méditerranée, tout le monde est occupé, tout le monde est employé, tout le monde est affairé. Ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser recomptent les paquets, les bateaux remplis de toutes ces denrées. Bientôt les cales seront pleines à craquer. Quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées. Du vrai cagnard d'Afrique, il y en a à foison. De l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil, près de la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter. Viens avec moi au marché du soleil, on y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir. On y vient pour voyager, on y vient pour palabrer, on y vient pour se rencontrer, pour occuper sa journée. On y vient pour respirer, on y vient pour échanger, on y vient sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui les Marseillais de toute communauté ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier. Ignace que je joue bon moumen. D'avant la main, dessus la grave, et même pour tout vestir ou le mettre des rails. D'avant la main, dessus la grave, si elle se pourrit dans qu'elle nous saille. On va passer un dimanche au coude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au coude, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs, tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs, les papis, les mamies, les policiers, les voleurs veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Ils voudraient tous conserver quelques valeurs, ces valeurs auxquelles Marseille a toujours fait honneur. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur, le rythme des Marseillais au gré des saisons, des couleurs. À l'automne on va passer quelques belles soirées dehors, l'hiver il faut patienter, là-dessus on est tous d'accord. Si le printemps le permet on se promène sur le port, mais quand arrive l'été l'appel des goudes est le plus fort. On va passer un dimanche au goud, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au goud, en famille, en famille, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Du printemps au printemps, trop de mauvais délire résonne dans la ville et mon esprit chavire. C'est le chable partout, vraiment pas de quoi rire. Ça file tous les jours, tu peux t'attendre au pire. Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier. Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié. Certains sont prêts à tout pour finir les premiers. Dans le ciel, les vautours se comptent par milliers. Laissons là tous ces fous et partons voir ailleurs. Je connais un endroit où tout paraît meilleur. Un endroit au soleil sans oiseaux de malheur. Là-bas dans la calanque, tu verras, c'est le cœur. On va passer un dimanche au goud, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au goud, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude, le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. That we were listening to, Patrick? Massilia Sound System? Yes, yes, Massilia Sound System. Sorry, I'm laughing. We just have a funny joke. I think it would be very funny if the two of you, if you had your own radio show, because you used to work together and you had quite the... quite a fun, yes. Yes, we did for a year or something. Mm-hmm, mm-hmm. Where was that? We were both teaching at the Cordon Bleu. Back in the days, yes. 2003, I think. What was it that you were teaching there? We're teaching students to cook for a real restaurant. Trying. We were one of the last classes that they had before graduation. Mm-hmm. And they had to implement everything that they had learned along the way. And they were serving real customers. Yeah. What were some of the challenges that you encountered? Like... was it difficult to teach Americans French cuisine? Yes and no. I mean, it wasn't so much teaching. It was so much like understanding what we were trying to teach them. I don't think they had, not all of them understood what, you know, food and cooking and what it is all about. And it's too political. It's too political. I'm not going to, you know... I pushed the fifth. Some of the students were really eager to learn. Yes, yes. And so it was great to work with those students. But there were some students that just, for some reason, they were just there and they were taking space and energy from Patrick and I, and we couldn't focus on the

des feux. La vérité est masquée, viens bascule de notre côté obscur. Nous devons tous unir nos efforts pour la tirer vers le côté obscur de la force. Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand Kador, du maniement de Mike j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère, un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille, je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. Sans espoir, la mutation s'amorce. Ta nature que tu obtures, le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part. Rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer. Alors, we are in the studio with Patrick Attenelli and Christophe Bélanger. Bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit avant. Vas-y. Three inches from okay, the microphone. Là, oui, c'est bon. Mm-hmm. Ouais, bien. Un peu plus proche. Oh là là. Proche, ah, toi, ah, oui. Ah, ça ira. Oh. Très bien. Oui. Très bien. All right. We are here talking about French cooking. And Christophe, Normandy, what brought you into cooking? What is, tell us about a little bit about your background and what you do at Christmas time that are great traditions. My background. Well, I used to work for the for Hilton company in France, and I got a transfer here. Three inches. That's three hello, inches. Hello. So anyway, so yeah, I mean, I was the. They gave me the opportunity to come for a year and a half and learn to help the restaurant at the Hilton Market Hotel to get better food. So I came with another French guy and I stayed, then I haven't moved back since. The other French guy, however, left. He didn't really care about Minnesota. Traditionally in Normandy, you know, we'll do, we'll start with foie gras, smoked salmon, oysters, galantine, pâtés, and then usually we go for turkey. With chestnuts, roasted chestnuts. Châtaigne. Yep. Châtaigne. Dinde à la châtaigne. Dinde à la châtaigne. Ou la dinde au marron. Au marron. Is that cooked in the, would that be cooked in the oven or, yep. I mean. Roasted. Yeah. Roasted, okay. There is no stuffing. We just. Oh. We put, you know, a bit of chestnuts inside and around it. And then it absorbs all the juices from the turkey. So it's really, really good. Do you put butter all over it, like baste it with butter? In Normandy, gotta have butter. You have to have butter in Normandy. I'm asking in Norman. Can't skip it. This better be butter, right? All right. We don't do olive oil and garlic too much. Oh, like yeah, Ben, yeah. Is that how you make your turkey? Do you make turkey? No, we don't cook. Or do you have turkeys down in Marseille? In Marseille. Stupid no, question. No, we got plenty of other thing. You have fish. You have the Mediterranean. Yeah, the we got fish. We got a lot of fish, seafood. The best. We got the sun. The birthplace of the bouillabaisse. Yes. Which is awesome. So it's not a very, you're not having a lot of fowl like pheasant and capon. Oh, we do in Normandy. Yeah, in Marseille? No. But not no. in Marseille. We have guinea fowl, pheasants, yeah. Roosters, chickens. See, they're from the north, I'm from the south. That's the difference. Yeah. You know, they use a lot of cream, we don't. We have the argument about the gratin dauphinois. Every single time. Yes. No cheese. Yes, cheese. And then there's you know what? I have an idea here. Is Cherry, my friend Cherry, are you listening to me? I want to give a shout out to my friend Cherry. So, Thierry... And he can judge. Pinichot, he could be the person who could call the studio line at 612-341-0980, 612-341-0980. Thierry, tu peux finaliser cette histoire de... Ouais, mais Thierry, il est normand, donc il va... Ah, il va être pour toi, c'est pour ça. Je non, sais. Mais c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. If he calls in, we'll finalize this just for once and for all.

Madame le corbeau, j'ai bien médité, j'ai tourné en rond et j'ai bien cogité, mais je n'ai pas trouvé de solution à mes problèmes de toute façon. Écoutez, vous êtes grand et vous n'êtes pas un sot. C'est vous le renard, moi je suis le corbeau. Ce que j'ai trouvé comme seule solution, cette main de votre histoire. Hey. Are you there? Thierry, are you oui. there? Salut right. Thierry. Thierry, you're on the radio. Et joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Merci, Thierry. Bon anniversaire. Ouais. C'est son anniversaire. C'était avant-hier. C'est avant-hier. Non, c'était hier. Joyeux anniversaire, bah oui. Thierry. T'avais oublié? Non, il parle de Christophe. De Christophe. Oui, avant-hier, c'était l'anniversaire de Christophe. Oh, oh oui, c'était son anniversaire. Ouais. C'était pour l'anniversaire, Thierry. Moi, ouais, ça y est, tous les jours, en fait. Hein. Ah oui. So, ah oui, avec toute la chance que j'ai, quoi. Can you do the deciding judgment and tell us what whether there should be cheese attention in the gratin dauphinois? Attention. Non, le gratin dauphinois n'a pas de fromage. Ouais. Allez. Oh, hop. Attends, le téléphone ne marche pas. Allô. Allô. Merci de. Ça simplement des pommes de terre, du beurre, de l'ail, de la crème, du lait, du sel, du poivre et un noix de muscade. Voilà. Et il y en a du fromage, il y a du gruyère dessus. Pour faire et c'est vrai qu'un peu de gruyère, c'est mou, il peut cueillir en fait. C'est que plus t'as le fromage, meilleur que c'est. Mais la vraie recette, t'as pas le fromage. La vraie recette. Le téléphone ne marche plus. Ok. Ben non. Merci d'avoir appelé. À très bientôt. Ben, j'espère. Prie. Au revoir. Merci Thierry. Salut. Allez, ciao. Ouais, attends. Vive la Normandie. Ouais. Parce qu'il est de ton coin, c'est pour ça. Il t'a sauvé, c'est tout. Oui. S'il aurait été marseillais, il m'aurait sauvé. Il n'aurait pas eu la Normandie. Il aurait même dit il y a du safran dans le gratin dauphinois. Safran. Alors, on a entendu des chansons de. C'était une jeune chanteur qui s'appelle Alex. Comment il s'appelle? Alex Renard, Temple de Fable. Et puis après, Alex Renard qui chantait avec Zaz. Mais maintenant, on a des annonces et après de la musique. Thank you for tuning in to KFAI. We know there are many worthwhile organizations deserving of your financial support this time of year, and we're grateful that you would consider community radio. Listener support makes your favorite programs possible. Local and global music, voices from here and around the world. KFAI is an independent radio station. Your support keeps KFAI on the air. It's easy to make your gift online at kfai.org or call us at 612-341-3144. Thank you. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de soins.

All right, we're back on the air with Christophe Bélanger et Patrick Atzenelian, two Twin Cities chefs. Bonsoir. Bonsoir. So I wanted to ask you guys about Christmas in France and what are some of the traditions for dessert? I know we love our cookies here. We have, traditionally we all have the bûche de Noël. What's that? Which is a Yule log. So it looks like a log. Mm-hmm. It's made out of biscuit roulé, which is a kind of a thin sponge cake that you roll up with either pastry cream or crème au beurre, buttercream. Mm. And it's then covered with chocolate or coffee ganache. And you can make fake mushrooms with meringue, little decorations, a little fake snow. How do you make the fake snow? Yeah, how do you make fake snow? You know, ice cube. Yeah, with sugar. Oh. Powdered sugar. Yeah, powdered sugar. Do you think that, do people mostly buy the Yule log, yeah, or do they make mostly it at they home? Buy it because they are, people think that it's hard to make, but once you understand all the ingredients, and it's quite simple actually, and I'm sure you can go on YouTube and look at videos. But I brought you a recipe for a Yule log. It's a pastry cream based, not a buttercream. Thank you. So we've got a main course and we've got a wonderful Yule log recipe that we'll be sharing on the Facebook page. You don't have to be a fan of Facebook. You'll be able to see the recipe as well. And we'll link to it on the KFAI website tonight. We also had some more. I just wanted to thank both of you for coming in. Christophe, you're going to be leaving because you take home. Yeah, I have to go put my kids to bed. So. Yeah, our kids. Well, yeah. And you had a song that you wanted to hear. Thank you. You're welcome. Merci d'avoir partagé. Merci de m'avoir reçu. Bien sûr. You're welcome. Bah, Patrick, à bientôt. OK. Hein? Sure. C'est yes, c'est you. Dimanche que vous allez dîner ensemble ou c'était... Non, c'était dimanche. Non, on a fait la fête dimanche passé. C'était la fête dimanche. C'était très, très... C'est pas, ce dimanche qui est passé. Ouais. C'était bien passé? Oui, qu'est-ce que vous avez... What did you guys eat for dinner? T'as fait un bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon, on a fait du saumon fumé, il y avait beaucoup de fromage, du beurre. Du très bon fromage. What kind of cheeses did you have at your dinner? It's a secret. They had a special Christmas dinner together with friends... You won't share which cheeses you had? No. Oh. It's impossible to share those cheeses. I can't remember. Okay. You see, I can't even remember. There was so he much. Said there were that's like how a special they some were. Cheese that just were very really good ones. Really hard to get. Yes. Mm-hmm. And, you know, what did we have? We had, we had the dessert and what kind of we had wine? A lot of did you wine. Have any special wines? Or? We had some Côte du Rhône, some Brouilly. Did you have some? A bit of Bordeaux. A little bit of California. Did you have any foie gras? No. No, not this year. Maybe next year. Maybe. This year was kind of mellow. Yeah, it was mellow but fun. Yeah. Before it was, you know, as we all know, we all danced La Mia before. Did you? Okay. Danse La Mia. Did you dance Danse La Mia? The we'll put that song on. There was not enough wine. We will be. Okay. Patrick is well known for among his friends for his great dance parties. Yeah. So yeah. On that, we'll go ahead and play some more music and say good evening to Christophe and hope you'll be a guest on the show again. So thanks, Christophe. Merci. Okay. Au revoir, tout le monde. All right. Bye-bye. A bientôt, Christophe. Thank you. comme la fleur, éblouie, timidement, sort de l'ortie. L'horizon se déplie. Mémoire de Vous êtes à l'écoute de Fresh Radio, Here Radio Community, KFAI 90.3, FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul. Radio Sans Frontières, le programme que vous attendez. Et bonjour Minnesota. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez bien nous téléphoner au studio au 612-341-0980 pendant que la musique se joue. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. All right, and our special guest tonight, two French chefs from the Twin Cities, Patrick Atnalian, is still here. And yeah, what is the main thing about Christmas that you remember? Like, is it? The main thing about Christmas, it's, you know, I think about the family and friends and the table. And how we all have fun and talk and, man, well, I remember, I mean, you know, I left home long time ago when I, you know, but when we were kids and you have, you know, your cousin and brother, sister, uncle, I mean, the, you know, the whole family, and you all like 20, 25 at a table and everybody's talking, everybody's having fun, conversation, you listen, you don't listen, you dance, you eat, you kiss, you scream. It's fun because everybody forget about, you know, everything. It's just about Christmas and Santa Claus coming. And does this take place, is this on Christmas Day? We have Christmas Eve and Christmas Day. So two fêtes, so yeah. Two different parties as well. And then a lot of gift giving, or is there a special thing? Do you only just give gifts to your close family, or how does it usually work? It's not about the gifts. The gift. I mean, when you're a kid, yes, because you can't wait for Santa Claus to show up, you know, because you still believe on that thing. But is it like Père Noël? Is it Père Noël? Ouais. But and then is there a difference, distinction between Saint Nicolas and Père Noël? I mean, is that still a tradition in France? Oui. It all depends where you're from. Okay. You know, au sud, on fait beaucoup. On fait la crèche, et les sapins, les rois mages, la gueule de roi. All of the French traditions. Yeah. You know, on fait beaucoup Mardi Gras et tout ça. C'est long. All right. So should we, since we got to hear from Thierry and Christophe and we were making jokes about Je danse la Mia, let's listen to I am. Invasion from Marseille. What I was reading, I had no idea, was that I Am got started. They were actually on Madonna's Blonde Ambition tour. That's how long they've been rapping. It's true. And they're from Marseille. Oui. What's special about them is that they mix, they're lyrical poets, but at the same time, they have this Egyptian tone to some of their songs. Mm-hmm. So it's not very, what they sing is more, yes, it's political, it's very poetic. It's less about, you know, they don't talk much about killing people and murdering, you know, it's Marseille, it's good rap, and they change the name and the belief, and they're trying to pass something to other people believe in. You were know. You living in New York City at the time when they were becoming popular? Yeah. Okay. Yeah. So when I was reading the bio about them, I was thinking about how you were cooking in New York City and how you might have brushed shoulders. So anyway, so for all of our auditeurs, this will be our last sort of rappy song of the evening. It's a classic. It is a classic. This is every French party should at least end with this song. don't leave the party until you make them play the song, and not 10 times in a row. But here we go. I Am with Je danse la Mia. Dieu fada, je crains des gueux, je vous prenne tous ici un par un.

tes oreilles sifflent. À qui la faute? C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire la fête. Ta mère veut te la faire aussi. La fête. Je voudrais te faire la fête. Tout le monde te fera aussi la Internet geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Changing how you get around? KFAI would love to turn your vehicle into great community radio programming. You can donate your car, truck, van, RV, boat, motorcycle. Any vehicle you no longer use can be a great help to us. After a few minutes of paperwork you'll fill out online, we'll get a tow truck headed your way. Find out more about donating your vehicle at kfai.org. All right, you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI. Welcome to the studio. We have Patrick Atenalian here. Hello. Hello. Salut. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Toujours là. Mm-hmm. What are your favorite, like, aside from Marseillais and your rap, but what are some, like, Christmas music memories or, like, during the holidays? Are there some songs that you can think of? I think the biggest song is Tino Rossi, Papa Noel. Mm-hmm. You know, everybody knows that from years and years and years. So, you know, when that song comes, Christmas is on, and you know Santa Claus is here. All right. Yeah. So let's go ahead, and we're about to kick off our programming for all Christmas music, mostly for the next 2 weeks until we get past into the new year. So the next song that we'll hear will be Les Neiges de Finlande by Florent Marché. Last week we heard the version by Edith Piaf, and this version was the one that Caril, who is out sick tonight with cold. So this one's for you, Caril. We're thinking about you with a fast récupération, and in very short time, Olaf will be back on the air. He has some good stories to tell us, and a shout out to everybody who's listening tonight. We're wishing you a great holiday prep season. Preparing, and here we go with some music. Un rêve a fait le tour du monde sur les épaules d'un marin. Un rêve a fait le tour du monde, c'était le mien. Mon rêve a fait de beaux voyages et m'en rapporte des cadeaux. Entre les mains de mes nuages, il met le ciel de Bornéo. Tout ce qu'il dit de devient merveilleux. Le monde est plein de bruit d'appel. Et je le crois. Le méchant loup est un archange. Les ogres mangent des oranges. Et je le crois. Les cendrillons filent la laine pour habiller Croque-Mitaine. Alors je dors sur des légendes et je peux voir de mon grenier tomber les neiges de Finlande sur les Noëls d'Aubervilliers. Des cas au seuil de mes jours, j'en vois passer des tas. Mais à l'heure dit comme toi, jamais sont pas légion les champions. Alors aujourd'hui, au CE, on s'est dit, tu vaux mieux. Je cracherai plus dans les manches de tes manteaux. Je brûlerai plus jamais tes tickets. Resto, c'est cadeau. Mon ami, ne me remercie pas. Cadeau. Mon ami, les potes, c'est fait pour ça. Un don naturel, une constance, un air à nul autre pareil. Un tel talent, sa force, le respect. J'admets qu'ajouter en conclusion, ne pas donner si on le peut, serait vraiment odieux. Oui, je lancerai plus de rumeurs sur toi au bureau. Ne m'épancherai plus dans tes rideaux, c'est cadeau. Mon ami, ne me remercie pas. Cadeau. Les potes, c'est fait pour ça. L'affaire est certes un peu gratuite, mais tout soudain un peu de compassion m'habite. Je n'y peux rien. Oh, cadeau. Mon ami, ne me remercie pas. Oh non. Cadeau, la prochaine sera pour toi. Toi. À l'âge où le miroir se défile, quand tu lui demandes ce qu'il pense de ta frime. Un pied dans la jeunesse, l'autre sur une peau de banane. Elle veut mettre son charme sous cellophane. Elle passe un pareo et elle se fait détresse pour masquer de ses yeux la détresse. Et moi je la regarde comme un cadeau de Noël. Elle n'a jamais été aussi belle. Elle veut pas faire comme celles qui ont peur des kilogrammes, qui ravalent leur façade et leurs larmes. Elle qui a tout juste l'âge des artères de sa ville, reconstruite après-guerre dans le civil. Je lui dis qu'elle est belle comme une église gothique, qu'une église neuve c'est pas catholique. Et puis je la regarde comme un cadeau de Noël. Elle n'a jamais été aussi belle. Thank you. combattait les brèches. Elle dit ça en regardant dans ses mèches. S'il n'y a pas un cheveu blanc qu'elle n'a pas vu la veille, qui s'amuse à la rendre déjà vieille. L'amour vraiment aveugle, voilà ce qu'elle voudrait, pour ne pas que je la voie s'abîmer. Mais moi je la regarde comme un cadeau de Noël. Elle n'a jamais été aussi belle. Mais moi je la regarde comme un cadeau de Noël. Elle n'a jamais été aussi belle. Mais moi je la regarde comme un cadeau de Noël. Elle n'a jamais été aussi belle. Elle n'a jamais été aussi belle. Aussi belle. All right, you're listening to Bonjour Minnesota on KFAI, and we just heard Michel Delpach, Cadeau de Noël. Before that, Tété with Cadeau, and before that, we had Neige de Finlande by Florent Marché. Patrick. Oui. Can you tell me, do you have any special things that you're cooking at Sanctuary for Christmas, or what kind of... Is there a special menu? We just changed the menu. It's a special menu. It's a menu for December, January. It's special for, it's a Christmas menu. So you have eggnog and chocolate sauce, and you have some nice, hello. How many courses is that? We have a 5-course chef tasting menu. Monday through Thursday, it's 5-course for $35. And then usually Friday and Saturday, we just have one special. But during the week, you know, it's very nice, you know, every day change. Okay. So we don't know what we're going to do until 5:00. That's when we know what it. Oh, really, what's going to be on the menu. Yes. So it is always a surprise. Yeah. So if any of our listeners went in, you'd give them a little special something if... If they come and they say hi to me, then I will, you know, of course, kiss them and, you know, send something very nice. That's what I always do. When people stop by the kitchen, it's always nice to see, you know, people stopping by and say, hey, you know, hello, Patrick. What's up? Hey. Comment ça va, Patrick? Ça va? Danse la mia. That does happen. Yeah. I think I've done that before and like given some sort of signals in the kitchen. Yes, it's nice when people give you love, you know. Right. All right. So I appreciate that. And I know that our listeners will too. Let's go ahead. We have some announcements. And after that, we'll listen to Jacques Dutronc, Le Fils du Père Noël, et Claude François, En Rêvant à Noël. Haru harali haraloi ha. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. This Wednesday on Miniculture. Emerging guitarist and composer Thomas Nordlund brings his original flavor of jazz and instrumental Americana to the stage at Black Dog Cafe in St. Paul. Tune in to Miniculture, 7:30 on Wednesday evenings, here on Fresh Air Community Radio. Je l'ai trouvé au petit...

Lequel? What did we just listen to, Patrick? Claude François. Et c'était quelle chanson? Attends, je regarde la liste. c'est pas sur ma liste, je connais pas. Allez hop. Oh. Claude François, En rêvant à Noël. And then before that, we had... Jacques Dutronc, non? Jacques Dutronc, oh, qui n'est pas sur la liste. Non. Oh, non plus. C'est pour ça. Oh. Tu vois, moi, je connais Claude François avec les Claudettes. Je connais pas Claude François avec le Père Noël. Ah. C'est pour ça. Claude François et les Claudettes, c'est bien ça. Oh, je connais pas. We need to put those. What songs do they have? Oh, c'est les danseurs avec lui. Uh-huh. Toutes les filles qui dansent avec lui. Les Claudettes. Claude François et les Claudettes. OK, we need to have a special soirée. Claude François evening with the Claudettes. And then just more stuff. I wanted to play, since we had those songs, Le Tempête de Finlande, I wanted to play for Patrick. Henri Godin is a Québécois singer for kids. And it's sort of cowboy music, but this is a sort of a Christmassy song that I thought I'd share with you, some Henri Godin from Quebec. On y va. Aujourd'hui, il y a une tempête, mon Zeus. Ça va être la fête, il n'y aura pas d'autobus pour aller cogner, gna gna gna. On va sûrement faire un fort dehors avec des tunnels pis des remparts. Je téléphone à mon voisin, le petit Julien. Allô Julien, c'est moi. Viens-tu faire un fort dans ma cour? On va se faire un bonhomme de neige. Oui, viens donc faire un petit tour. Ah, tu peux pas, ton petit frère est là. C'est toi le gardien de la maison. Promis à ta mère comme de raison. Aujourd'hui, une tempête, mon Zeus, ça va être la fête, y'aura pas d'autobus pour aller cogne, gna gna gna. C'est pas grave, je vais jouer au hockey, je profite de ma journée de congé, je téléphone à mon copain qui habite pas très loin. Allô, copain, c'est moi, ça tente-tu d'aller patiner au village, on tout déblayé, enfin gagner notre coupe Stanley. Ah, oh, tu peux pas, ta mère veut pas, faut que tu fasses le ménage, t'es de poiré, tu rattrapes un. Aujourd'hui, y'a une tempête, mon Zeus. Ça va être la fête, y'aura pas d'autobus pour aller cogne, gna gna gna gna. Bon, ben d'abord, j'irai glisser. On va faire des courses en petit buggy. Je téléphone à mon cousin qui habite sur le coin. Allô, cousin, c'est moi, ça tente-tu de venir en crazy carpet? On va rire comme des fous, on va s'inventer des pirouettes. Ah, tu peux pas, car tu t'en vas, t'as rendez-vous. Ça va être la fête, y'aura pas d'autobus pour aller cogne, gna gna gna gna. Je vais regarder la télévision, mais les jours de congé, y'a jamais rien de bon. Je pense que j'ai autant de mains parce que je fais rien. À 7h15, je sortirai dehors pour l'autobus de 7h30. À 7h15, je sortirai dehors pour l'autobus rempli d'amis. À 7h15, je sortirai dehors pour l'autobus du désennui. Aujourd'hui, y'a pas de tempête, mon Zeus. Ça va être la fête, il va voir l'autobus pour aller cogner, gna gna gna. Sautent et dansent les joyeux bergers. Sous le ciel immense, il peut neiger. Vers l'étoile s'avancent les rois étrangers. Ils sautent et dansent les petits bergers. Les vieux se souviennent des anges musiciens. À vite que reviennent les Noëls anciens. Mais les jeunes s'élancent, ivres de courir, vers la plaine immense dont l'avenir. La cloche a sonné, l'enfant Jésus est né, la vache et le veau lui disent bonjour, bravo. un coq a chanté. L'enfant Jésus est né, l'oiseau a répété. Depuis longtemps, je l'attendais. Il saute et danse dans la nuit de Noël. Sur les routes de France, les anges du ciel. Et chacun s'enchante de les voir ainsi. Le poète les chante, les enfants aussi. C'est une jolie ronde de joie et d'amour. La ronde du monde dans son plus beau jour. Sous le ciel immense, il est revenu. Noël recommence. Bonjour, petit Jésus. All right. We just heard Charles Trenet, Chanson pour Noël. And before that, Henri Godin, Tempête de Neige. Patrick, oui. Tell me, we were talking about some of the things in France that are slightly different, and you just brought up, what kind of decorations do they do outside? They usually paint the windows, all the stores. They all have, you know, all those beautiful painting of Christmas scene, and, you know, it's magic. It's red and gold and white, and you know, you go to the bar and there is this big outside window and the painting and the butcher shop, the big, I mean, everybody. Every individual store yeah. has its own painting. Yeah. It's like Picasso comes and just with the brush and, you know, it's pretty cool. And lights, you know. I remember that in Paris, too, that mm-hmm. every single, it seemed like every window would have yeah. its own special Christmas decoration painted. Yeah. If you didn't, you were kind of, what's wrong with you? you didn't want to pay the painter to decorate your windows. No. Is that only for the holidays that they decorate the windows? Or do they do it during the Christmas season, or do they do it it's other just, times? It's just a Christmas season. But not during, like, Bastille Day, or... No, Christmas season, it's Pack. No. Pack is more inside the bakery with the eggs and chocolate and, you know. Okay. Yeah, but so Christmas is more, you know. This is very... Yeah. And how about in Marseille? Do you have... Like, here we'll go and drive in our cars to go see some Christmas lights. Do you have anything in Marseille? Do you have Christmas boats? You don't drive around in Marseille with your car. How about Christmas boats and yachts? Yeah. No, and they have, they have the big Christmas village on the Vieux-Port, and then they got a big, you know, Christmas light show, and they have the fairy world going on, too. They have a lot going on now. But if you want to see Christmas lights, I send my dad a couple of those animated Bambi stuff. You know. Oh, you did the blow-up things? Oh, you sent some to your dad? Oh, yeah, that's so funny. they probably don't sell those in France. No. And, you know, those with the lights that move? Yeah, how do your parents... Oh, my God. Oh, that is Et so dans funny. Le jardin? Mm-hmm. Oui. Do they are they in a cour, or do they have, like, a petit jardin? What no, is it like? The little? Big, huge front yard, and, you know... He called me, said, send me some light. you got enough the light during summer, dude. You know. Oh no. Oh well, that's good that you're sharing American culture. Yeah. In Marseille. Hollywood. Oh. Okay. So let's go ahead and listen to another song. We have Enrico Macias with "Souviens-toi des Noël de là-bas." Souviens-toi des Noëls de là-bas, toi

Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, près du pont de l'Allemagne. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter saint, sous le sapin de lumière, quand il l'embrassa. Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi, bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là, eux qui avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien tout quand même de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux Noël. All right, Patrick. Oui. What just happened? We just got a text from Thierry, saying that I'm right. There is cheese in the gratin Savoyard, but not in Dauphinoise. So I'm still right about the Savoyard. About the cheese, and Christophe's still okay. Don't tell Christophe. I think he's listening. All right. Well, thank you for clearing that up. We know there's two different kinds of gratin. Yeah. And what we just heard was Barbara, Joyeux Noël. And before that, we had Souviens-toi des Noëls de là-bas. I like that because it felt like sort of south, very nice song. South of France, southern. Yeah. Yes, you got all of that beautiful voice. Henri Comasias. For Christophe's sake, let's play. Did we already have this Eddie Mitchell Noël Blanc? Have we heard that yet tonight? No Eddie Mitchell. On y va avec some Eddie Mitchell Noël Blanc. On y va. On y va. Quand j'entends chanter Noël, à Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige, l'argent Noël. J'entends sonner au ciel, le roulement vieillard des sangs. J'aime avoir tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres. Mm-hmm. All right. We just heard, who was that? Who were we listening to? Eddie Mitchell. And all right. Eddie Mitchell, Noël Blanc. And we have some announcements for the Alliance Française. We want to make sure that we had, just last weekend was the Fête d'Hiver, which took place. And, of course, they're still registering for this upcoming season, January classes. So the season will kick off. What do we have? We have the Fête des Rois et Petit Cadeau, Saturday, January 10th from 6 to 8 p.m. In January as well, we'll have Fesno's, what is the Brittany Night. That will be January 31st to look forward to. And as well, we have so many classes going on. We want to remind you just to take a look at the website, www.afmsp.org, to make sure that you don't miss any. If you want to brush up on your professional French and business communications, which I might need to actually do that, because as I do know some French, when it comes to writing, I'm not always grammatically correct. And sometimes my nouns aren't always in accordance with my verbs. It can be very difficult. We all know that. So the Alliance Française will resume its classes coming up in the new year. I do want to mention that people don't forget the Petit Déj Janvier, 3 Janvier, from 9:30 to 11:30, sponsored by Breadsmith. Also, Book Club Navigateur de la Littérature, le 7 janvier, and 8 janvier, Apéritif en Français at the University Club, and the 9th is Ciné Club at 7 p.m. So go ahead and take a look at their websites as well. I want people to remember that it's time for year-end giving in KFAI. This is all volunteer-supported. So if you want to make a contribution and help our community, KFAI could use your support as well as the Alliance Française. Another special announcement would be to put on your calendar, if you have kids that are going to school and you want French immersion as a choice, check out their booth at the St. Paul School Fair, January 10th. You can learn about how you can do the admission for magnet schools. So let's go ahead and listen to another French song. This one is Voilà le Père Noël qui nous arrive par La Bolduc. This chanson is Avant la guerre, il y a très longtemps, Bolduc. This is going to evoke an old era in France that so many of us love. And here we go with La Bolduc. C'est aux petits enfants que je m'adresse maintenant. Si vous voulez des présents, tâchez d'être obéissant. Voilà Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses étreintes, pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher le bonheur. Pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher le bonheur. On s'en va au magasin pour s'acheter un beau sapin et aussi des petites bébelles pour garnir l'arbre de Noël. Voilà Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses étreintes, pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonheur. Pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonheur. Il faut bien se préparer pour se voir la parenté. Des bons beignes et puis des pâtes, puis un bon ragoût de pâte. Voilà Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses étreintes, pour qu'il soit de bonne humeur, pour vous coucher de bonheur. Pour qu'il soit de bonne humeur, il faut se coucher de bonheur. Quand ça vient le temps des fêtes, on se pose, on se met la tête. La visite ici et là, faut se coucher sur le grabat. Voilà Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses étreintes, faut qu'il soit de bonne humeur, faut vous coucher de bonheur. Faut qu'il soit de bonne humeur, faut vous coucher de bonheur. bonheur, faut qu'il soit de bonne humeur, il faut vous coucher de bonne heure. Après qu'on a bien mangé, tout le monde commence à chanter, d'autres qui dansent des cotillons, qui fait brûler la maison. Voilà le Père Noël qui nous arrive, avec ses belles reines et puis ses étrennes. Faut qu'il soit de bonne humeur, il faut se coucher de bonne heure. Faut qu'il soit de bonne humeur, il faut se coucher de bonne heure. We want to thank our listeners for tuning in tonight. Merci Patrick for coming. Merci, merci, merci. And we are going to end the evening with, since the first night of Hanukkah, and I'm hoping this is the French version of the song. I just want to thank the last caller called in to remind us that tonight is the first night of Hanukkah. We want to go ahead and play this O Hanukkah song for you. Merci tout le monde et à la semaine prochaine. Sans moi. Okay. Un jour. Venez au restaurant 903 Washington Avenue. Sanctuary Restaurant. Thank you, Patrick. Bonne année. Bonne année, joyeux Noël, happy, tout ce que tu veux. Ok, merci. Allez, and ciao. Here we go. Ciao. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur l'a conservé dans son tiroir. Là, là, si même. Le espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris.